إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on va continuer inshallah notre livre de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul حفظه الله تعالى qui s'attache à expliquer les annulatifs de l'islam, Nawaqid al-Islam, et c'est donc le sharah de du fameux épître de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Risalat Nawaqid al-Islam. Donc on fait ce qu'on appelle sharah Risalat Nawaqid al-Islam. Et juste avant de commencer le vif du sujet, première chose, j'ai pu rencontrer Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidahullah à la Mecque, on a pu assister à son dars de Mu'tal Imam Malik, et il m'a autorisé à traduire son livre, ça c'est une première chose. Deuxième chose, une clarification par rapport au dernier cours qu'on avait fait, le cours 7, par rapport au fait que le tekfir sur un individu spécifique revient aux savants. Eh bien, c'est que moi, je n'ai jugé de manière spécifique personne comme étant un innovateur, ce qui serait d'ailleurs contraire au sujet du cours, au sujet de ce que j'utilise toujours dans mes cours, que le tebdi' ou le tekfir ou le tefsir revient aux ulama. On parle du tefsir mu'ayyan, du tebdi' mu'ayyan et du tekfir mu'ayyan. Hein? D'accord, que ce soit bien clair. Rectification maintenant aussi, c'est que dans un des cours, j'avais parlé d'un livre qui s'appelait Udrub al-Jahl. Hein, et j'avais dit que c'est un livre de Cheikh Rabi'a. En fait, c'est un livre qui a été lu, qui a été encouragé quant à sa publication, hein, et qui a été, recommandé pour à lire, etc., par Cheikh Rabi'a, mais il est écrit par un talibin, d'ailleurs que je connais en plus, un frère marocain qui étudie depuis de nombreuses années, que j'avais déjà rencontré il y a presque plus de 10 ans maintenant en Arabie Saoudite. Et qui est un talibim salafi, et donc Cheikh Rabi', et qui fait d'ailleurs partie des élèves de Cheikh Rabi', et donc Cheikh Rabi', il a fait hein, la préface, ou en tout cas, il a recommandé, il a relu le livre, il a recommandé ce livre-là. Donc ce n'est pas le ta'lif lui-même de Cheikh Rabi' lui-même. Maintenant, par rapport au cours en tant que tel, on avait fini l'introduction qui était très très importante, qui s'attachait avant de rentrer dans l'étude des annulatifs de l'islam, le Cheikh Mohamed al-Wahhab, on avait dit que. On va en faire que 10. Pourquoi? Parce que Cheikh Mohamed al-Wahhab n'en a cité que 10. Hein, rahmatullah. On avait dit pourquoi. D'accord, le Cheikh, il va encore faire un peu référence à ça aujourd'hui, Inch'Allah. Et avant de rentrer dans ces Nawaqid al-Islam, on avait fait 15 règles concernant le tekfir. Donc ça doit être quelque chose d'établi, quelque chose de clair, quelque chose de connu maintenant. Alhamdoulilah, ici, on a eu deux khutbas dernièrement. Pas ce vendredi-ci, mais les deux vendredis qui ont précédé, on a eu deux khutbas sur le sujet. Allez, le sujet, il a été traité. En long et en large. Qaddar Allah, mashallah fa'al, aujourd'hui, dans le cadre du premier annulatif, il y a un chapitre qui nous intéresse, ou en tout cas une partie qui nous intéresse beaucoup vis-à-vis de ça aussi, vis-à-vis du tekfir, etc. On ne va pas le faire aujourd'hui pour deux raisons, parce que je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu le préparer, et deuxième raison, c'est que le cours aurait été trop long pour vous. Hein, déjà, on va lire rien qu'en français, ça fait 15 pages. Donc si on voulait terminer tout ce chapitre concernant le premier annulatif, ça aurait pris un dars trop long. Donc peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Hein, mais ça aurait été bien parce que ça aurait été fait une continuation en fait de la dernière règle qu'on a vue et de tout ce qu'on a vu par rapport au tekfir, etc. Parce qu'il fait référence à l'Udr Biljal et à d'autres masaïl, etc. Bien, le premier naqid, donc, « قال المصنف رحمه الله اعلم أن نواقد الإسلام عشرة الأول الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. Donc le matin, le texte de Cheikh Mohamed Ibn Abd al-Wahhab rahmallah, qui est très court, que je vous recommande vivement d'étudier par cœur, il commence, et nous on dit l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, et quand on dit l'auteur, qu'on va chaque fois référence maintenant à partir de maintenant, al-Musannif c'est qui? C'est Cheikh Mohamed Ibn Abd al-Wahhab rahmallah, et Sharih c'est qui? Hein, c'est Cheikh Mohamed Ibn Omar Bazmoul Hafidahullahu Ta'ala. Donc l'auteur, qui est Cheikh Mohamed Ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit « Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. » Alors ici, Cheikh Mohamed Bazmoul, il fait une petite note de bas de page par rapport à ce terme 10, à ce nombre de 10. Et il dit « L'explication de la raison de les avoir limités à 10 a été citée précédemment. » Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi il n'y en a que 10 qui ont été cités dans cet épître-là du Cheikh, eh bien revenez à nos cours précédents. Et ils sont en audio et en PDF sur notre site spfbirmingham.com. Et donc le Cheikh l'Islam, Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit « Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. » Le premier, l'association dans l'adoration d'Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. » Surat Nisa, verset 48 et aussi 116. Puis le Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il cite un autre verset. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Surat Al-Ma'ida, verset 72. Et puis le Cheikh dit, et fait partie de cela, invoquer les morts et leur demander secours, et de leur vouer des vœux, un nadr, et d'immoler pour eux. Maintenant, on a l'explication de ce premier naqid-là, de Cheikh Mohamed Ibn Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, et on ne va pas pouvoir terminer aujourd'hui, comme je l'ai dit, pourquoi? Pour pas que ce soit trop long non plus, parce que je n'ai pas eu le temps de tout préparer. Hier, on a eu une journée, mashallah, assez chargée, hein, on a eu pas mal de cours intéressants par notre frère Abdel-Ilah, qui est un frère qui vit en Arabie Saoudite et qui enseigne dans une université d'Arabie Saoudite et qui en fait est un élève de Cheikh Abdel Jabir et d'autres mashayikh. Donc il dit al-naqid al-awwal huwa ash-shirk fi ibadati Allah. Al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahira wal-batina. Il dit le premier annulatif, c'est l'association dans l'adoration d'Allah. Et puis il donne la définition de quoi? De l'adoration. Ça, c'est une définition que je vous recommande de mémoriser par cœur en arabe. C'est une définition très connue chez les mashayikh. C'est qui l'a donné cette définition? C'est le Sheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans quel livre? Al-Ubudiyya, ahsantum, c'est bien ça. Hein? Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, dans le kitab Al-Ubudiyya. Et il dit, rahmatullah alayh, et Cheikh Bazmoul rapporte cette définition, l'adoration, c'est un nom générique pour tout ce que Allah aime et tout ce dont il est satisfait comme parole et action apparente et cachée. Donc je répète cette définition, notez-la toujours, mais elle sera de façon disponible dans le PDF, inshallah. On a dit que l'adoration, c'est un nom générique pour tout ce que Allah aime et tout ce dont il est satisfait comme paroles et actions apparentes et cachées. D'accord? Puis il pose une autre question, ça fait partie de son bon enseignement de poser des questions. Cheikh Bazmoul, hafidahullah, ma ma'na shirk? Quand je dis Cheikh Bazmoul, on parle de Cheikh Mohamed ici parce qu'il a un frère qui est aussi un Cheikh salafi connu, et Cheikh Ahmed bin Omar Bazmoul. Il a dit, même un shirk. Quel est le sens de l'association? Le shirk, sarfu shi'in min khasa'isi lahi li ghayrillah. Faman sarfa shi'in min khasa'isi lahi fi rububiyatihi li ghayrillah. Faqad ashraka fi rububiyah. Waman sarfa shi'in min khasa'isi lahi fi uluhiyatihi li ghayrillah. Faqad ashraka fi uluhiyatillah. Waman sarfa shi'in min khasa'isi lahi fi asma'i wa sifatihi li ghayrillah. فقد أشرك في الأسماء والصفات لأن الشرك يقابل التوحيد. فإذا كان التوحيد توحيد الألوهية أو توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن الشرك يقابل هذه الأنواع الثلاثة. شيخ يقول كيل لو سونس دو لاسوسياسيون. L'association est shirk, c'est détourner l'une des spécificités d'Allah à autre qu'Allah. Donc celui qui détourne l'une des spécificités d'Allah dans sa seigneurie à autre qu'Allah aura associé dans la seigneurie, Rububiyya. Et celui qui détourne l'une des spécificités d'Allah dans sa divinité à autre qu'Allah aura associé dans la divinité d'Allah. Et celui qui détourne l'une des spécificités d'Allah dans ses noms et ses attributs à autre qu'Allah, il aura alors associé dans les noms et les attributs, car l'association s'oppose à l'unicité. D'accord ? Donc, cher, il explique ça maintenant. Il dit, donc, si l'unicité est, il va faire référence à quoi ? Aux trois catégories du tawhid. Il dit, donc, si l'unicité est l'unicité de divinité, l'unicité de seigneurie et l'unicité des noms et des attributs, alors l'association s'oppose à ces trois catégories. Donc celui qui prétend, Cheikh il dit, فمن ادعى أو قال أو اعتقد أن هناك من يشارك الله في تصريف أمور الكون من الخلق والإحياء وإنزال المطر إلى آخره فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته ومن صرف شيئا من خصائص الله في أسمائه وصفاته فقد أشرك في الأسماء والصفات فالشرك يقابل التوحيد بأنواعه. شيخ dit donc celui qui prétend ou dit ou croit qu'il y a quelqu'un qui participe avec Allah dans les affaires de l'univers, comme le fait de créer et de donner vie et de faire descendre la pluie, etc., aura alors associé à Allah le Très-Haut dans sa seigneurie. Et celui qui fait un acte d'adoration pour autre qu'Allah aura alors associé à Allah le Très-Haut dans sa divinité. Et celui qui détourne l'une des spécificités d'Allah dans ses noms et attributs aura alors associé à Allah dans les noms et les attributs. Donc l'association s'oppose à l'unicité dans ces catégories. Et puis, il redit ce qu'il a dit par rapport au shirk. Il dit, فالشرك صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغير الله. D'ailleurs, si vous voulez des définitions faciles à mémoriser par rapport au tawhid et tout ce qui concerne le shirk, shirk akbar, shirk asghar, etc., étudiez Drus al-Muhimma, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. C'est un livre très facile à mémoriser. Il n'est pas très long, et il touche justement les leçons importantes pour la communauté. D'accord ? Il explique très bien, Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, il explique très bien ce genre de définition, d'accord ? Et ces terminologies-là. Donc, Cheikh, il dit, فَالشِّرْكُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ فِي أُلُوهِيَتِهِ أَوْ رُبُوبِيَتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَتِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Ça, c'est des... Vous pouvez mémoriser ça, c'est très court, et que vous gardiez ces notions primordiales, surtout pour un salafi. D'accord ? Comme il a dit dans la khutbah, il a dit quoi ? Il a parlé du Al-Alim Rabbani. Et on avait dit dans un de nos cours, il y a presque 4 ans maintenant, dans tout premier cours qu'on avait fait, peut-être que je l'ai répété dans d'autres cours, que l'Alim Rabbani, c'est quoi ? Comme c'est expliqué par certains savants, c'est Alladhi yu'allimu an-nasa sighar al-masa'il qabla kibariha. Celui qui enseigne aux gens les petites masa'il avant les grandes. Ça, c'est des masa'il qui sont importants dans notre dîn et qu'il faut, il faut avoir ses bases. Il faut avoir ces bases-là. Le salafi doit connaître ces bases-là. Il doit essayer de mémoriser ces définitions-là, ces terminologies-là, etc. On va, Inch'Allah, continuer à faire des livres dans le Tawhid. Inch'Allah, c'est un des livres que demande Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite de le faire, de le finir, c'est Kitab al-Tawhid. Ça, c'est un livre vraiment qu'il faudra faire un jour ou l'autre, Inch'Allah. Un livre très important. Et peut-être qu'on s'attachera à faire ces définitions plus en détail, etc. Ou bien un livre comme Sulam al-Wusul de Al-Hafiz al-Hakami, rahmatullah alayh. Donc, Cheikh, il dit, que l'association, c'est de détourner quelque chose parmi les spécificités d'Allah dans sa divinité ou sa seigneurie ou ses noms et attributs à autre qu'Allah. Et puis il cite un verset du Coran, qala tabaraka wa ta'ala, pourquoi? Parce que les gens de la sunna qui ont parlé par le dalil, wa burrizatil jahim lil ghawin wa qila lahum ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens est, et l'on exposera aux errants la fournaise, et on leur dira, où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront tout en s'y querellant, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Surat al-Shu'ara, versets 91 à 98. Et puis c'est encore un autre verset du Coran. وقال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورة البقرة. Allah dit, سبحانه وتعالى, selon la traduction du sens est, et parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Comprenez pourquoi il a cité ce verset par rapport au shirk. Et les aimants comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Surat al-Baqarah, verset 165. Puis Cheikh Bezmoul, hafidhahullah ta'ala, continue en disant ومن التقرير السابق تعلم أن الشرك في ألوهية الله بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله هو نوع من أنواع الشرك وليس كل الشرك فلماذا نص المصنف على الشرك في العبادات دون غيره وهل معنى هذا أن شرك الربوبية أو شرك الأسماء والصفات ليس شركا مخرجا من الملة. Donc Cheikh il pose cette belle question et il dit avant cette question il dit et parce qu'il a été établi précédemment tu sais que l'association dans la divinité d'Allah est que tu fasses un acte d'adoration pour autre qu'Allah. Cela est l'un des genres de l'association et pas toute l'association. Donc, pourquoi l'auteur a cité l'association dans l'adoration sans parler des autres genres d'association? Et est-ce que le sens de cela est que l'association dans la seigneurie ou l'association dans les noms et attributs ne sont pas des associations qui font sortir de l'islam? Fichier va répondre à la question. Al-Jawab, الذي يظهر والله أعلم أن المصنف نص على توحيد العبادة لوجوه وهي التالية. الوجه الأول لأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم الأسماء والصفات. والوجه الثاني أنه نص على توحيد العبادة لأنه الشرك الذي حصلت فيه الخصومة والمنازعة مع أنبياء الله ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الناس أكثر وقوعا في هذا الشرك في زمنه وفي عصره والذي يصنف ويؤلف عادة إنما يراعي في تصنيفه وتأليفه الواقع الذي يرى الناس عليه فهو قصد التنصيص على توحيد العبادة لكثرة وقوع الناس فيما يخالفه من الشرك وإلا فإن تنصيص المصنف رحمه الله على توحيد العبادة يستلزم أن شرك الأسماء والصفات من نواقض الإسلام ويتضمن أن الشرك الربوبية من نواقض الإسلام. Je l'ai lu, c'était un peu long, mais pour que vous ayez le français de, en une pièce aussi, pour que ce soit plus facile pour vous. Il dit, et je répète cette question, est-ce que le sens de cela est que l'association dans la seigneurie ou l'association dans les noms et attributs ne sont pas des associations qui font sortir de l'islam? Et la première partie de la question c'était quoi? Pourquoi il a cité ce genre d'association qui est l'association dans quoi? Dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité les autres. Mais la réponse, elle est là. La réponse, ce qui est apparent, et Allah est le plus savant, c'est que l'auteur a cité l'unicité dans l'adoration pour plusieurs raisons qui sont les suivantes. La première raison, que l'unicité dans l'adoration comprend l'unicité dans la seigneurie et implique les noms et attributs. La deuxième raison, il a cité l'unicité dans l'adoration, car c'est l'association au sujet de laquelle il y a eu dispute et querelle avec les prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et parmi les prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam, il y a qui? Notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième raison. Les gens tombaient le plus dans cette association en son temps et à son époque. Et celui qui écrit et compose ne prend en considération d'habitude que la situation dans laquelle il voit les gens. Il a donc intentionnellement écrit au sujet de l'unicité dans l'adoration en raison du fait que les gens tombaient beaucoup dans ce qu'il oppose comme association. Sinon, le fait que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, cite l'unicité dans l'adoration implique que l'association dans les noms et les attributs fait partie des annulatifs de l'islam. Et comprend le fait que l'association dans la seigneurie fait partie des annulatifs de l'islam. Maintenant, il pose une autre question. Et il dit le cheikh, hafidhahullah, « Ma ma'na qawlihim, توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات. » Peut-être que quelqu'un va se poser la question, mais après avoir entendu ça, il va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'unicité dans l'adoration comprend l'unicité dans la seigneurie et implique l'unicité dans les noms et les attributs? Ça veut dire quoi ça? La réponse, elle est là. الجواب إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده دون سواه أن تصرف له العبادة فإن اعتقادك هذا يتضمن اعترافا منك بأن المدبر لهذا الكون هو الذي خلقك ورزقك ويقوم بجميع شؤونك أنت وغيرك من الخلق لأنك ما تعتقد استحقاقه لصرف العبادة له وحده دون سواه إلا إذا كنت ضمنا معترفا بأنه هو الذي أوجدك وخلقك من العدم ورزقك وأنزل المطر وأحيى الأرض إلى آخره. وهذا معنى تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية. إذ هذه الأمور كلها من توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله. D'ailleurs, الشيخ بن باز رحمة الله عليه dans son livre دروس المهمة il donne la définition de توحيد العبادة توحيد الربوبية et توحيد الأسماء والصفات. Vraiment, je vous recommande de le mémoriser et je vous recommande de vous entraider les uns les autres à mémoriser ce genre de livre. Hein? Que vous voyez entre vous, à la mosquée, à la maison. Hein? À la mosquée, c'est l'asl, bien sûr. C'est toujours mieux de le faire à la mosquée. Hein? Que vous prenez rendez-vous et que vous mémorisez ce genre de livre-là. Cheikh, il dit, la réponse. Si tu crois qu'Allah le Très-Haut est le seul en droit d'être adoré et que personne d'autre que lui n'a ce droit, cette croyance de ta part comprend une reconnaissance de ta part qu'il est celui qui administre cet univers, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a créé et te donne ta provision, il pourvoit pour toi. Et gère toutes tes affaires, toi et tous les autres parmi les créatures. Car tu ne crois qu'il est le seul endroit d'être adoré et que personne d'autre que lui n'a ce droit que si cela comprend ta reconnaissance qu'il est celui qui t'a fait exister et t'a créé à partir de rien, et te donne ta provision, et fait descendre la pluie, et a fait vivre la terre, etc. Et c'est cela le sens du fait que l'unicité de divinité comprend l'unicité de seigneurie, car toutes ces choses font partie de l'unicité de seigneurie. Et c'est quoi l'unicité de seigneurie? C'est l'unicité d'Allah dans ses actions. Tawhidullahi bi af'alihi. Le cheikh, il continue en disant, وإذا اعتقدت أن الله هو المستحق أن تصرف له العبادة وحده دون سواه فإن هذا معناه يستلزم أن الله متصف بصفات وله أسماء حسنى تختلف عن صفات وأسماء سائر الخلق صفات كمال وجلال على الوجه اللائق به سبحانه. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il dit, il définit aussi Tawhid al-Asma al-Sifat, Cheikh Ben Baz dans le Durs al-Muhimma. Et ici, d'ailleurs, ce verset, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Ça, c'est une qaïda dans l'Asma al-Sifat chez les gens de la Sunna et du consensus. Hada ma'na anna Tawhid al-Uluhiyya mustalzimun li Tawhid al-Asma al-Sifat. Wa al-khusumatu waqa'at bayna al-anbiya' wa al-kuffar fi mada? Fi Tawhid al-Ibada. Cheikh, il dit, Et si tu crois qu'Allah est le seul endroit que tu lui voues un acte d'adoration, et que personne d'autre que lui n'a ce droit, le sens de cela implique qu'Allah a des attributs et qu'il a des noms plus beaux qui diffèrent des attributs et des noms de toutes les créatures. Des attributs de perfection et de majesté comme cela lui sied, subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Surat al-Shura, verset 11. Et je fais référence toujours à un livre dans l'Asma al-Sifat parce que personnellement, c'est le livre qui m'a aidé beaucoup dans l'Asma al-Sifat, c'est le « Qawa'id al-Musla » de Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen a écrit ce livre. Hein, on en a déjà parlé dans le tekfir parce qu'il y a un chapitre aussi sur les règles dans le tafsir et dans le tekfir, etc. Mais le livre à la base, c'est un livre dans quoi? Dans l'Asma al-Sifat. Et ce livre, c'est un livre vraiment qui est important dans ce bab-là et qui facilite beaucoup dans ce bab-là. Hein, et vous connaissez la pédagogie de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmahullah, hein, et son enracinement dans la science. Et Cheikh Al-Uthaymeen lui-même, il l'a expliqué, ça a été publié. Et il a été aussi expliqué par un grand savant spécialisé dans l'aqida, Mohamed Amel Jami. C'est disponible sur son site. Et si je ne me trompe pas, ils ont fait le tafrir ou en tout cas une partie des cassettes. Mais il est disponible en cassette. Hein. Et je vous recommande ce charah-là en cassette, il est vraiment très intéressant. Il y a Cheikh Obel Jabiri qui l'a fait et qui publiait. D'ailleurs, j'étais étonné parce que j'ai trouvé, quand j'étais à Médine, j'ai trouvé dans une maktabat quelques exemplaires. J'ai voulu les prendre et après, j'ai pas pu parce que c'est difficile de voyager avec beaucoup de poids, etc. Mais j'ai voulu en prendre quelques-uns pour vous parce que je sais qu'il n'est pas facile à trouver. Moi, je l'ai déjà, mais il n'est pas facile à trouver parce que c'est une édition qui n'existe plus aux Émirats Arabes Unis, hein, et qui était à l'époque et qui n'existe plus maintenant. Donc il y a des savants qui ont expliqué ce livre-là. Il y a Cheikh Abdelzak aussi sur son site, vous pouvez le trouver en cassette, qui expliquait le Qa'il Musla. Ça, c'est vraiment un livre que je vous recommande, voilà, vivement, hein, d'écouter, de lire ou d'écouter le charah. Là. Moi, je parle du charah lui-même, du livre de Cheikh Al-Uthaymeen lui-même. Si je ne me trompe pas, je l'ai vu, hein, il l'a fait sur son site, c'est le Qa'il Musla. D'accord. Ce que tu parles, toi, c'est Fiqh al-Asma al-Husna. C'est un autre livre. Donc, Surat Shura, le verset 11. Et Cheikh, il dit, le sens de cela est que l'unicité de divinité implique l'unicité des noms et attributs. Et la dispute entre les prophètes et les mécréants, si je vous pose la question, elle était au sujet de quoi? Hein? De l'unicité dans l'adoration, ça. Hein? Plutôt à l'ibad, hein? ومن ذلك ما وقع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفار مكة فقد اعترفوا في خصومة معه بتوحيد الربوبية قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سورة لقمان فهم مقرون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر مؤمنون بذلك ويعرفون كثيرا من أسمائه وصفاته ولكن النزاع والخصومة من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة. Et puis le Cheikh il a cité une source dans Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah rahimahullah par rapport à ce point-là. Cheikh il dit fait partie de cela, et il parle de quoi? Il dit et la dispute entre les prophètes et les prophètes et les mécréants était au sujet de l'unicité dans l'adoration. Fait partie de cela ce qui s'est passé entre notre prophète Mohammed et les mécréants de la Mecque. Ils ont reconnu l'unicité de seigneurie dans leur dispute avec lui. D'ailleurs, il y a une explication fausse de la ilaha illallah qui est donnée par Jama'at Tablir, c'est quoi? La khaliqa illallah. Il n'y a de créateur que Allah. Si c'était que ça, vous croyez que Quraysh à l'époque ils auraient eu un problème? Hein? Ils n'ont pas compris le tawhid, hein, et ils s'attachent à appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la base, la religion, la notion fondamentale dans la religion, hein, ils ne la comprennent pas et ils essaient d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont reconnu l'unicité de seigneurie dans leur dispute avec lui. Alayhi salatu wassalam. La preuve de ça, eh bien c'est Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront, certes, Allah dit louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate Luqman, verset 25. Ils affirmaient donc qu'Allah est le créateur, le maître, celui qui pourvoit, celui qui administre. Ils croyaient en cela et connaissaient beaucoup de ses noms et de ses attributs, mais la querelle et la dispute depuis l'époque de Noé jusqu'au jour d'aujourd'hui est au sujet de l'unicité dans l'adoration. Si vous voulez voir, et je vous ai dit qu'un talib ilm, comment il se construit, ou comment est-ce qu'on devient un talib ilm, en se construisant en revenant aux sources qu'on cite. Non, on a parlé d'une mes'ala, le cheikh Bazmoul Hafidahullah, il a parlé de cette mes'ala, il l'a expliqué, il a donné une source. Maintenant, toi, tu vas voir dans cette source à la lumière de ce que lui, il a dit. Pourquoi hein? Pour que tu t'habitues à lire dans les livres des ulama, etc. Le recueil de Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 14, page 380. Puis il dit « وَشِرْكُ الْعِبَادَةِ أَكْثَرُ فَشْوًا فِي الْخَلْقِ وَفِي النَّاسِ وَمَنْ نَظَرَ أَحْوَالَ النَّاسِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا رَأَ أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِشِرْكِ الْعِبَادَةِ أَكْثَرُ انْتِشَارًا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَعِ الشِّرْكِ » Cheikh il dit « Et l'association de l'adoration, est-ce qu'il y a de plus répandu au sein des créatures et au sein des gens ? Et celui qui analyse les situations des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui verra que ce qui est lié à l'association de l'adoration est plus répandu que les autres genres d'associations. » Puis il pose une question le cheikh, il dit هل الشرك بكل انواعه ناقض مخرج من المله. Posez-vous la question. Je vous la dis en français. Est-ce que l'association dans tous ces genres est un annulatif de l'islam? La question, écoutez la question. Est-ce que l'association dans tous ces genres est un annulatif de l'islam? Répondez pas, répondez pour vous-même. Eh bien la réponse est non. الجواب لا فإن الشرك على درجتين أو على نوعين أو على قسمين شرك أكبر مخرج من الملة on avait déjà vu dans un des cours précédents وشرك أصغر لا يخرج من الملة من ذلك ما جاء في حديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حديث متفق عليه كان البخاري ومسلم فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ici un petit point dans la langue arabe, comme le cheikh l'Éthiopie dans Sahih Muslim, le deuxième volume. Il a dit فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. En fait, c'est فصلى بنا. فصلى بنا. Je vais traduire ça après. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. C'est un hadith qui est dans كتاب المغازي de Sahih al-Bukhari باب غزوة الحديبية. Savoir que certains ulama, ils ont dit que c'est le Hudaybiyya, sans shidda. Et le plus, ils ont dit que c'est le Hudaybiyya. Comme Cheikh l'Éthiopie l'a dit dans Sarah Sahih Muslim. Et Muslim, fait kitab l'Iman dans Sahih Muslim, donc comme je l'ai dit, dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc, Cheikh, il pose la question. Est-ce que l'association dans tous ces genres est un annulatif de l'islam? La réponse, non. Car l'association est de deux degrés, ou de deux genres ou de deux catégories. Une association majeure qui fait sortir de l'islam, qui fait sortir de la religion, et une association mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Il a été rapporté dans le hadith, rapporté par Zayd ibn Khalid Kalalagré, qui dit « Nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'année d'Al-Hudaybiyya, et une nuit nous fûmes touchés par la pluie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous guida dans la prière du subh, puis nous fit face et dit « Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur ?» Nous dîmes Allah et son messager sont plus savants. Il dit alors, Allah a dit, parmi mes serviteurs, l'un s'est levé croyant en moi et l'autre mécréant en moi. Quant à celui qui a dit, nous avons eu de la pluie par miséricorde d'Allah et par provision d'Allah et par la grâce d'Allah, il est croyant en moi et mécréant en les étoiles. Quant à celui qui a dit, nous avons eu de la pluie en raison de telle étoile, il est croyant en les étoiles, mécréant en moi. Apporté par le Bukhari dans son authentique, 4147 et Muslim numéro 71. Cheikh il dit ووجه الدلالة أن قول القائل أمطرنا بك أمطرنا الكواكب أو أمطرنا الكواكب شرك في القول، لكن هل هو شرك أكبر مخرج من الملة؟ الجواب هو الشرك أصغر، لأنه لم يقترن باعتقاد أن هذه الكواكب أو هذه الأنواع المتصرفة بالكون على سبيل الفاعلية والتأثير المستقل. ومثله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في جافيس الحديث، من حلف بغير الله فقد أشرك. ووجه الدلالة من حلف بغير الله لا على وجه التعظيم، لا على وجه التعظيم المحلوف به كالله، ولا على وجهة إعطاء المحلوف به ما يستحقه الله، إنما هكذا حلف بغير الله من باب التأكيد فقط، لا من باب التشريك بين الله وبين المحلوف به. فهذا قد أشرك شركا أصغر بقوله وقع في محرم، لكن ما يلزم خروجه من الملة فلا يكون من باب الشرك الأكبر. وتقدم في الضابط الثاني، voyez qu'en fait au début il a fait 15 règles et qui va renvoyer souvent à ces règles, à ces bases. وتقدم في الضابط الثاني أي من ضوابط التكفير بيان أن الكفر كفر أكبر وأصغر، الشرك أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر. فراجعه et puis il a donné le numéro de la page pour les frères qui ont la même édition que moi, page 17. En conclusion, par rapport à l'histoire des livres, les 50 que j'avais commandés, ils sont perdus dans la nature. Ils ne les ont pas retrouvés, hein, et la poste égyptienne ne les a pas retrouvés. D'accord ? À la kulliha. Le cheikh, il dit, le témoin argumentatif dans ce hadith est que la parole de celui qui dit « Nous avons eu la pluie en raison des étoiles » c'est une association dans la parole, mais est-ce une association majeure qui fait sortir de la religion? La réponse, non. Il a dit, quoi le cheikh, il a dit, c'est une association mineure, car il n'a pas accompagné cela de la croyance au fait que ces étoiles ou ces genres agissent dans le monde en termes d'activité et d'influence indépendante. Et de manière identique, ce qui a été rapporté d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes associé. Hein, vous avez vu le hadith qu'il utilise ici. Il dit le thème argumentatif de ce hadith est que celui qui jure par autre que par Allah, mais pas de manière à glorifier celui par qui il a juré comme Allah, ni de donner à celui par qui il a juré ce qui revient à Allah de droit, il a juré par autre qu'Allah, comme ça, juste pour affirmer, pas pour donner à Allah celui par qui il a juré comme égal. Celui-là donc a associé d'une association qui est quoi? Mineur. En raison de sa parole, il est tombé dans l'illicite, mais cela n'implique pas qu'il sorte de la religion. Et donc cela n'est pas de l'ordre de l'association majeure. Et puis Cheikh, il dit en note de bas de page, et nous avons vu dans la deuxième règle concernant le tekfir, la mise en évidence du fait que la mécréance est de deux types, majeure et mineure. Et l'association est de deux types, majeur et mineur. Et que l'hypocrisie est de deux types, majeur et mineur. C'est très important de comprendre ça. Puis Cheikh, il dit, وعليه فليس كل ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية أنه كفر أو شرك هو كفر أكبر أو شرك أكبر يخرج من الملة، فلا يطلق القول بكونه من الشرك الأكبر حتى يحرر ويضبط. إذ الشرك الأكبر يعني أن فاعله أو قائله يخرج من الملة، ومعنى الشرك الأصغر أن فاعله أو قائله ارتكب كبيرة من الكبائر لا تخرجه من الملة. Puis après il va poser une question intéressante que le mashaykh discute dans le livre d'Aqida, notamment Cheikh Al-Albani il en avait parlé aussi et d'autres mashaykh. Est-ce que le shirk et le kufr sont une même chose ou pas? On va répondre à ça en partie inshallah ou complètement aujourd'hui inshallah, et après on s'arrêtera après ça inshallah. Donc en se basant sur cela, tout ce qui est rapporté dans le sublime Coran et la sunna prophétique comme étant une mécréance ou une association n'est pas une mécréance majeure ou une association majeure qui fait sortir de la religion. On ne dit pas Je répète, hein. Donc en se basant sur cela, tout ce qui est rapporté dans le sublime Coran et la Sunna prophétique comme étant une mécréance ou une association n'est pas une mécréance majeure ou une association majeure qui fait sortir de la religion. On ne dit pas de manière absolue que c'est une association majeure tant que cela n'est pas analysé et maîtrisé, car l'association majeure veut dire que celui qui la commet ou la dit sort de la religion. Et le sens de l'association mineure est que celui qui la commet ou l'a dit a commis un péché majeur qui ne le fait pas sortir de l'islam. Ça aussi, ça nous rappelle un point dont on a beaucoup parlé, c'est que dans ces masaïl al-aqida, à qui on revient ? Au ulama. On revient au ulama. Cheikh, il dit, question intéressante, est-ce que l'association et la mécréance sont la même chose ? La réponse, al-jawab. Min al-ulama, man daba ila anna shirka wal kufr shay wahid. Fa'ida. أطلق في النص كلمة الشرك فهي تشمل معنى الشرك ومعنى الكفر. Et vous voir que Cheikh Mohamed Bazmoul il dit que c'est ça la vie le plus fort en fait. C'est-à-dire que quoi que le shirk et le kufr, hein, c'est une même chose. Mais il va dire aussi que quoi que c'est من الأمور إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. On va expliquer ça inshallah. Il dit من العلماء من ذهب إلى أن الشرك والكفر شيء واحد. فإذا أطلق في النص كلمة الشرك فهي تشمل معنى الشرك ومعنى الكفر وإذا أطلق في النص اسم الكفر فهو يشمل معنى الشرك ومعنى الكفر فإذا اجتمع كان للشرك معنى وكان للكفر معنى فيكون الشرك هو ما فيه معنى التشريك ويكون الكفر ما يحصل به الخروج من الملة بدون أن يكون فيه معنى التشريك فهما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع وعلى هذا فإن الاستدلال بما ورد فيه لفظ الكفر على الشرك سائغ والعكس صحيح. Cheikh il dit, en répondant à la question qui est-ce que l'association et la mécréance sont la même chose, la réponse, certains savants ont l'avis que l'association et la mécréance sont une même chose. Donc, si le mot association est cité dans un texte, alors cela comprend le sens de l'association et le sens de la mécréance. Et si dans un texte le mot mécréance est cité, alors cela comprend le sens de l'association et le sens de la mécréance. Tandis que s'ils sont cités en même temps, alors l'association a un sens et la mécréance a un, il faut comprendre un autre sens, hein, a un sens. Et donc l'association est ce qui a pour sens d'associer, tandis que la mécréance a pour sens ce qui fait sortir de la religion sans qu'il ait le sens d'association. Ce sont donc mots qui, lorsqu'ils sont cités ensemble, ont un sens différent, et lorsqu'ils sont cités séparément, ont le même sens. Et donc, utiliser comme preuve ce qui était rapporté avec le mot mécréance en ce qui concerne l'association est permis, et le contraire est vrai. Et il dit, il va donner une preuve. وَنْدُلْ فِي الْحَدِيثِ سَابِقِ. D'ailleurs, la preuve, elle est dans le hadith qu'on vient de citer. وَفِيهِ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي. فأما من قال مطرا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرا بنجم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. Alors moi, je voudrais que vous réfléchissiez quelques secondes à pourquoi il a cité ce hadith comme preuve que le fait d'utiliser le mot kufr pour association est correct, hein, et que utiliser le mot association pour mécréance est correct. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que certains savants, ils disent que c'est la même chose. Mais quand ils sont cités ensemble, ils ont un sens différent. Pourquoi ? Non, réfléchis pour toi. C'est un exercice personnel. Juste pour vous apprendre à prendre des adillas anil masail, de comprendre comment les ulama ils prennent des adillas anil masail. Parce que c'est pour ça qu'il a rapporté ce hadith-là. Il a rapporté comme preuve de ce qu'il dit. Que les gens sur Internet fassent le même exercice, hein, qu'il, hein? Je répète le hadith. On l'a traduit ou pas? J'ai pas traduit cette partie. Ce sera peut-être plus facile de traduire et de reposer la question à ce moment-là. Alors. Et là, on va traduire. Et regarde dans le hadith précédent. Je vais même rapporter ce qu'il y a avant, comme ça, vous avez la continuité, d'accord? Et donc, utiliser comme preuve ce qui a été rapporté avec le mot mécréance en ce qui concerne l'association est permis. Et le contraire est vrai. Et regardons le hadith précédent, dans lequel il y a Et Allah dit, parmi mes serviteurs, l'un s'est levé croyant en moi et l'autre mécréant en moi. Quant à celui qui a dit, nous avons eu de la pluie par miséricorde d'Allah et par provision d'Allah et par la grâce d'Allah, il est croyant en moi et mécréant les étoiles. Quant à celui qui a dit, nous avons eu de la pluie en raison de telle étoile, il est croyant en les étoiles, mécréant en moi. Alors, vous avez une réponse dans votre tête ? Vous pensez avoir une réponse ? Chéri de la réponse. فأطلق الكفر على معنى الشرك وهو واضح فإنه حينما يقول قائل أمطرنا بنوء كذا وكذا فإنه نسب التصرف في أمر الكون من جهة إنزال المطر إلى الأنواء والكواكب فهذا ينافي توحيد الربوبية فقائل ذلك وقع في شرك الربوبية بالقول فنقترن باعتقاد أن هذا النجم هو المتصرف في المطر والمؤثر في نزوله من دون الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر وإن لم يقترن بذلك فهو شرك بالقول فهو شرك أصغر. Donc le mot mécréant, il est utilisé quoi le mot le hadith ici? C'est quoi? Mécréant, ça ou pas? Hein? C'est vrai ou pas? Donc le mot mécréant, ça a été utilisé ici avec le sens d'association. Et c'est clair, car lorsque quelqu'un dit, nous avons eu de la pluie en raison de telle et telle étoile, il a attribué le fait d'agir dans l'univers en ce qui concerne le fait de faire descendre la pluie aux étoiles et aux astres, et cela oppose l'unicité de seigneurie. Donc, celui qui dit cela est tombé dans l'association de seigneurie en parole. Et si cela est accompagné de la croyance que cette étoile agit sur la pluie et influence sa descente sans Allah, le Très-Haut, alors il aura souci d'une association majeure. Et si cela n'est pas accompagné de cette croyance, alors c'est une association dans la parole et c'est donc une association mineure. Remarque. وليلحظ أن الأمور المخرجة من الملة ليست فقط أمورا اعتقاديا. Regardez la précision des mashayikh. C'est pour ça que dans le masail al-aqida, il faut revenir aux ulama. Comme dans les autres masail de la religion, mais le masail al-aqida encore plus. Hein? Parce que des masail qui sont importants, c'est notre croyance, et c'est des masail qui sont quoi? Qui requiert une précision qui ne peut être une maîtrise qui ne peut être que de la part des enracinés dans la science et des gens de science. Regardez ce qu'il va dire le shir. Il dit, remarque, وليلحظ أن الأمور المخرجة من الملة ليست فقط أمورا اعتقادية. فإن الكفر والإخراج من الملة قد يكون باللسان وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل المجرد. C'était quoi ça? Hein? بارك الله فيك أحسن. C'était l'un des tawabit qu'on a vu. Vous vous souvenez, un des cours, c'était une des règles qu'on avait vu. لكن هذا الموضع ارتبط فيه هذا الموضع للشيخ الذي هذا الموضع ارتبط فيه القول أو الفعل بالاعتقاد لذلك نقول لا يكفر قائل ذلك كفرا أكبر مخرجا من الملة إلا إذا اعتقد ما يقتضي الكفر الأكبر فيذكر ذلك لا من باب حاصل الكفر المخرج من الملة في الأمور الاعتقادية لكن من باب أن هذه المواضع جاء فيها حصر الكفر المخرج من الملة بالعمل مع الاعتقاد أو بالقول مع الاعتقاد. في شيخ اليوم بعد باج ما اشتهر عند بعض الناس وما اشتهر عند بعض الناس أن الكفر عملي واعتقادي إن أريد به أنه لا يكون الكفر الأكبر بالعمل إلا إذا اقترن باعتقاد فهذا خلاف ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالشك. انظر الضابط السابع. Regardez la septième règle parmi les 15 règles dans le tekfir qu'on a vu précédemment et qui sont disponibles sur notre site en audio et en PDF. Cheikh il dit, remarque, suivez bien parce que c'est important et c'est un peu technique mais c'est important. Les choses qui font sortir de la religion ne sont pas que des choses de l'ordre de la croyance. Pourquoi il a dit ça le Cheikh? Pour voir si vous suivez le fil. Hein, posez-vous la question. Pourquoi? Hein? Pourquoi il a dit ça le cheikh ici? Les choses qui font sortir de la religion ne sont pas que des choses de l'ordre de la croyance, car la mécréance et faire sortir de la religion peut être par la langue, et peut être par la croyance, et peut être juste par l'action. Mais ici, la parole ou l'action sont liées à la croyance. Donc il t'a dit ici, c'est lié à la croyance, mais attention. Et la précision des ulama. C'est pour cela que nous disons que celui qui dit cette parole ne mécroit pas de mes mécréances majeures, qu'il le fasse sortir de la religion, sauf s'il croit ce qui implique la mécréance majeure. Cela est dit pour, pas pour limiter la mécréance qu'il fait sortir de la religion aux choses liées à la croyance. Peut-être que quelqu'un va penser maintenant que quoi, qu'on limite la croyance qui fait sortir de la religion aux choses liées à la croyance. Cheikh dit, mais dans le sens où il y a dans ces points le fait de limiter la mécréance qui fait sortir de la religion à l'action avec la croyance ou la parole avec la croyance. C'est-à-dire dans ces points. Il va dire une parole en bas qui va mieux illustrer. Il dit, ce qui est connu de certains, que la mécréance est dans les actions ou la croyance. Si cela, le sens de cela est que la mécréance majeure par une action ne peut être que si c'est accompagné d'une croyance, alors cela est contraire à ce qu'affirment les gens de la sunna du consensus. Qu'est-ce qu'ils affirment les gens de la sunna du consensus? Que la mécréance peut être par la croyance. Le cheikh il a dit d'abord par le qawl, par le qawl, la parole, ou quoi? L'action. D'abord il a dit la parole ou la croyance. Peut-être par la croyance, par la parole et par la croyance, et peut-être par l'action. Et peut-être aussi par le doute. Donc la mécréance peut être par la parole, et peut-être par la croyance, et peut-être par l'action, et peut-être par le doute. Donc c'est pas lié qu'à la quoi, qu'à la croyance. Et Cheikh il dit, voir la neuvième règle parmi les règles du tekfir. La neuvième règle, pardon, pas la septième, la neuvième règle. En conclusion, et ce sera la conclusion de notre cours aujourd'hui, Inch'Allah, « وَالْحَاصِلْ أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ شِيءٌ وَاحِدٌ إِذَا جَاءَ لَفْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادٍ فَإِنْ اجْتَمَعَ افْتَرَقَ فَكَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا مَعْنَى فَمَعْنَى الشِّرْكِ وَمَا فِيهِ مَعْنَى التَّشْرِيكِ وَاخْتَصَّ الْكُفْرُ بِغَيْرِ التَّشْرِيكِ. En conclusion, certains savants ont l'avis que la mécréance et l'association sont une même chose. Si chacun des deux mots est cité seul, et s'ils sont cités ensemble, ils ont alors un sens différent. D'accord? Donc s'ils sont cités chacun seul, c'est quoi? Ils ont le même sens. Et s'ils sont cités ensemble, ils ont un sens différent. Et donc chacun des deux mots a un sens, et donc le sens de l'association est avec le sens d'associé, tandis que la mécréance est alors spécifique à ce qui n'est pas une association. Parce que quelqu'un va se poser une question légitime, va se dire, d'accord, ils sont pas ensemble, donc ils ont le même sens. Mais maintenant ils sont ensemble, ils ont un sens différent. Mais c'est quoi la différence? Hein? C'est ce qu'il dit le cheikh ici, il dit, et donc chacun des deux mots, s'ils sont, cités ensemble, ils ont alors un sens différent. Et donc chacun des deux mots a un sens. Donc l'association est avec le sens d'associé, tandis que la mécréance est alors spécifique à ce qui n'est pas une association mais qui est une mécréance. D'accord? Avec ça, on a fini le cours d'aujourd'hui, qui était donc le huitième cours de l'explication des annulatifs de l'islam par Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, et qui est l'explication de l'épître de Cheikh Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et donc, on se voit normalement, si tout va bien, inshallah, samedi prochain. De toute façon, vous restez en contact via le site, via Twitter, via les messages, etc. Inshallah. Et s'il y a un autre cours dans la semaine, je vous tiens au courant aussi, via la radio de sous la publication, via le salon Paltour de notre frère Fawzi, Salafi du Sud et d'Alès. Wa jazakumullahu khairan, wallahu alam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.